demandez-nous pour nous toujours agir bien. Mais pour qu'on agisse bien, faut qu'on pense bien. Bon Dieu, créez-nous pour nous faire ça qui bien. Libaille-nous capacité pour nous réfléchir. Et bon Dieu connaît, pensez-nous différents. En nous baille l'esprit, bon Dieu place pour l'agir en nous. Ça ou pas, même qu'on est pour ça, l'y pas fait. Bon Dieu, pas de jambon, bon Dieu, pas de jambon. Ou à penser mal, agir mal, sous moun l'y créé. Bon Dieu, baille nos bouches pour ne parler ça qui bien. L'y baille nous chaque. Yon bouche nan mezi nou, ti bouche, moyenne bouche, gros bouche, tout se yon zouti. Ki pou pale sa ki bien sa vérité. Suspend pale fè ou mal, suspend pale fè ou mal. Pou tèt pou pale ou el pou sa liye jodi ya. Parle mal, agis mal à petite li. Fais bien, ou récolte bien. Fais mal, ou récolte mal. Mon Dieu m'a dit, ou agis bien tout le temps. Bon Dieu, baille nous. Pour nous capables remen li baye nous chaque yon ke ki bien sensible li di ou remen prochain tan kou remen ta tou depi ou gen remen nan ke ou ap agi bien tout. Qualité le gagne parce que la progressé. Bon Dieu, pas de jambon, bon Dieu, pas de jambon. Pour y verra y en moun pour quand même tout y est. Comment sentir pour regarder ce petit ça qui pas gagne ni maman ni papa. C'est ou même qui la cause. Comment on sent-tu à conscience ou? Si on baille mon, y'a braille ou tout. Y'a braille ou tout. Si on baille mon mal, y'a braille ou mal. Y'a braille ou mal tout. Si on fait mon mal, y'a braille ou mal tout. Si on fait bien, agis bien tout le temps. C'est le vrai médaille là. Dieu content, le wap fait bien. Alors parole c'est les yeux. Pour faire bien, faut qu'à toujours penser bien. Si y'a braille, y'a braille tout. De ça ou de planté, ah! Y'a braille ou tout!